On va parler de hockey mineur avec notre ami David Lamontagne. Salut David. Salut, Danny. David, on rappelle évidemment que c'est une commandite de BR Metal, cette chronique. David, on va parler des équipes qui sont en marche actuellement. Les Castors ont ouvert leur saison en fin de semaine et les différents hockey Saint-Pellette aussi. Ben autrement dit, c'est les équipes doublelettes ont commencé en fin de semaine. OK. Les Castors, comme tu disais, les Midgets 2B, les Castors, ils ont gagné leur premier match en prolongation contre Alma. Ouais. Ensuite, je sais que les équipes Atom et Peewee ont commencé en fin de semaine aussi. Pour le Peewee, c'est une victoire, une défaite en fin de semaine. OK. Et, pour l'Atome, je pense que c'est ça aussi, une victoire, une défaite. Donc, ça va quand même. C'est commencé pour les équipes doublelettes. Ouais. Comme l'autre fois, dans la catégorie Bantam, on n'a pas de doublelettes cette année. Ouais, ça, ben ça, on avait parlé lors de notre dernière intervention. Ça fait bizarre, hein? Tu me parles des castors, puis après ça, on tombe tout de Non, suite mais dans le. Hein? ça a déjà arrivé pour le midget, puis l'année d'après, on avait une équipe, donc c'est comme une année Ouais. de répit, autrement dit, c'est en espérant qu'il y en ait une l'année prochaine. T'as-tu beaucoup Puis de. T'as-tu beaucoup. Ouais, les t'as. équipes Saint-Pellette vont finaliser ça en fin de semaine. Les équipes A, les équipes B, ça va probablement finaliser en fin de semaine, la séparation des équipes. Les saisons commencent aux alentours, je pense que c'est le 25 octobre. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs Bantam? Bantam, on avait une trentaine d'inscriptions. Je pense que c'est 28-30 inscriptions. OK. Donc 28 à 30 inscriptions. Okay. C'est Deux quand même équipes, une équipe B. pas pire. Bon, le simple lettre, il va. Pas le simple lettre, mais la catégorie. C'est quoi? C'est Moustique qui va jouer sur un. Oui, Novice, on a un Novice, nouveau ouais. numéro cette année. C'était qu'on a déjà commencé pour les Mags, les pré-novices, le hockey demi-glace. Cette année, c'est demi-glace pour toutes pour les novices partout au Québec. Donc, ça commence cette année. Ça fait qu'on est quand même en préparation de ça, les achats de bandes pour séparer la glace en deux. OK, ouais. Ça devrait commencer. Ça, les saisons commencent milieu novembre, donc c'est ça. Ça va être il faut s'acclimater à ce nouveau système-là. Mais les jeunes sont quand même, eux autres sont quand même habitués à jouer demi-glace dans le pré-novice. Mais c'est nous autres, pour nous autres, c'est plus pour au niveau des bandes, l'installation des bandes, l'achat des bandes, puis aussi pour les tournois. Comment ça va fonctionner les tournois? Il va sûrement avoir des petits changements. Ouais. Mais, c'est ça, c'est notre première année pour ça. Ça commence au milieu. Les saisons commencent au milieu novembre. Donc, on va avoir OK. le 2020, milieu novembre. Dis-moi, c'est une grosse année, hein? C'est une grosse année pour Dolboum Cessny de hockey mineur. Vous allez recevoir une tranche de la Coupe Dodge. Oui, la Coupe Dodge. Nous autres, on accueille le Bantam 2A. Okay, dans le fond, la Coupe Dodge cette année est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a aussi Côte-Nord, puis. Saint-Laurent, je pense, Gaspésie. Fait que pour nous autres, on accueille le Bantam 2A, qui est OK. à fin avril. On est aussi en préparation de tout ça. On manque de. Si jamais il y a des bénévoles qui veulent s'impliquer là-dedans, Toujours la même affaire, après les saisons. hein? Ouais, Ouais. Je c'est toujours, toujours, toujours, toujours la même affaire. On manque de sais bénévoles pas si tu partout. veux, mais quand même, ça va quand même être, tu sais, pour ce qui est des bénévoles, c'est les saisons de hockey sont quand même terminées. OK. Sauf pour ceux qui vont à la Coupe d'Or. Donc, ça devrait être quand même pas si mal pour avoir des bénévoles. OK. Ben David, ça fait le tour pour cette semaine. On s'en parle la semaine prochaine. Parfait, Danny. Voilà David Lamontagne qui nous parlait du hockey mineur de Dolboum Cessny. Merci David.